Toyota. Bon, papa compte les équipements de l'Aygo et toi tu vas te cacher, ok? D'accord. Connectivité smartphone, caméra de recul, climatisation, écran tactile, feu de jour à LED, Bluetooth. On n'a pas fini de compter tous ces équipements. Repartez dès maintenant avec la Toyota Aygo à partir de 69€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable dans le réseau participant pour tout Aygo X-Play 5 portes 9 commandées avant le 30 juin et livrées avant le 31 juillet. Dans la limite des stocks disponibles en LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer 2090€, prime à la conversion déduite et remise de 2900€ incluse. Voir Toyota.fr. Et si le langage nous séparait du réel? Et si le langage était la tentative ratée de rejoindre le monde par les mots? Un mot désignant une chose, mais au contraire était le lieu de notre séparation tragique avec ce que nous passons notre vie à vouloir nommer. Prenons un exemple concret. Voici un morceau de camembert. Son goût est si singulier que je ne peux pas ne pas chercher les mots pour décrire ce goût. Et pourtant, comme le fait remarquer le philosophe Clément Rosset, le goût du camembert est tellement unique, tellement singulier, que cette singularité restera à jamais innommable. Et c'est là notre tragédie. Je me suis toujours dit, et chaque fois que je mange un bon camembert, ça n'arrive plus très fréquemment, comme vous le savez, ça fait des années qu'on n'a plus de bon camembert, et bien chaque fois, cette espèce d'extase que j'ai, et que j'ai d'ailleurs devant mille autres choses, se double d'une espèce de, non pas d'une tristesse, mais comment décrire cela? Comment dire, comment pourrais-je faire pour prendre la parole et expliquer à un Esquimau, expliquer à quiconque? Je vais vous dire le goût du camembert. C'est impossible. Précisément parce que il est distinct de tout, il est incomparable. C'est pas du tout le Brie, c'est pas du tout le Livaro. Et cette chose, comment la dire? Eh bien, en disant, par cette tautologie qui renvoie la chose unique à son unicité, que c'est du camembert. Coulommiers et Poisses, Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livaro, Reblochon, Abondance, Mont d'Or, Crottin de Chavignol, Chabichou du Poitou, Pyrénées de Brebis, Vacherin du Haut-Doubs, Camembert, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Sous-Maintrain, Roux de Brie, Tête de Moine, Mimolette, Boursin, avec 60% de matière grasse. Bonjour Heinz Wissmann. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Quand Clément Rosset décrit l'impossibilité de trouver les mots pour nommer ce camembert qu'il est en train de goûter, est-il dans le constat que fait Héraclite de l'impossibilité de saisir le monde et le réel par le langage? Oui, à une nuance près, c'est que quand j'utilise un mot pour désigner de la réalité, ce qui fait que je n'y parviens jamais, je suis d'accord avec Rosset, c'est évident, je n'y parviens jamais. Selon Héraclite, c'est parce que il y a un autre versant du mot qui est du côté de sa sonorité, du côté de ce que je dois écouter et que je n'écoute jamais parce que je suis obnubilé par ce que le mot prétend dire. Sauf quand on chante justement, d'où le chant de François Morel sur les fromages, là on entend les mots. Là on entend les mots. Et c'est d'ailleurs l'art, c'est un terme héraclitéen, qui consiste à attirer notre attention sur tout ce qu'on n'entend pas. C'est lui qui parle et c'est lui à qui on parle. Alors, l'exemple, je prends un exemple qui est tellement parlant. Il y a un fragment qui dit que le nom de l'arc vit, son œuvre mort. Eh bien, un mot archaïque grec, si on ne sait pas ça, désigne l'arc par bios, avec l'accent sur la dernière syllabe. Mm-hmm. Alors que le mot vie, c'est l'accent sur la première syllabe. Mais l'écoute fine qui accompagne la désignation de l'arc, nous fait découvrir qu'en voulant dire œuvre de mort ou instrument de mort, nous disons le contraire de ce que nous croyons dire. Et donc, c'est là qu'il y a irrémédiablement un élément tragique, parce que nous restons séparés de notre intention, qui se retourne contre elle-même, dans le dire qui s'oppose au dit. Mais est-ce que ça veut dire que Héraclite serait plus philologue que philosophe ? Les philologues par excellence, si on donne au mot philologue le sens étymologique, c'est-à-dire celui qui se soucie de la parole. Il se soucie de la parole de manière obsessionnelle, puisque la totalité des fragments, on n'a pas le temps de les passer en revue, mais vous montrer que la totalité des fragments mettent en scène le problème de la compréhension de ce qu'on veut dire, parce que ce qu'on dit en réalité s'écarte, se sépare, et finalement reste incompatible avec ce qu'on dit. La contradiction, si on met un petit tiret entre contradiction, c'est la structure de toute diction. Aucune diction ne peut atteindre au point de s'y abolir d'une certaine manière la chose dont elle parle. La diction est toujours contradiction, comme dans ce fragment où le mot bios qui désigne l'arc, pour celui qui a l'oreille fine, eh bien, veut dire vie. D'où paradoxe, est-ce que en parlant de l'arc, et donc de la mort que l'arc provoque, est-ce que je ne parle pas à mon insu de la vie ? Mais alors faut-il continuer à parler ? L'écoute, qui c'est vraiment c'est le mot clé chez Héraclite, savoir écouter, ils ne savent pas écouter. Et bien, il y a des mots comme par exemple « axunetoi », c'est les hommes qui ne comprennent rien à rien. Mais quand on regarde l'étymologie des mots, ça veut dire, ils sont incapables de mettre ensemble. Sunhiemi, ça veut dire mettre ensemble. Ils savent pas mettre ensemble ce qui s'écarte. Et dans toute parole, il y a quelque chose qui s'écarte du fait de l'impossibilité de réduire ce que j'ai dit au dit. Puisqu'il y a toujours le dire qui a sa sonorité propre et dont les artistes vont s'emparer, les poètes, etc. Et qui échappe à notre écoute si cette sonorité particulière, cette signification cachée, n'est pas expressément par un art subtil mis en scène. Mm-hmm. Et donc, le sophone d'Héraclite, on a traduit par art, c'est une habileté d'artisan, et moi je suis toujours tenté par traduire le truc. Tous ceux dont j'ai entendu les discours, ils parlent de tout, eh bien, aucun n'est parvenu jusqu'à identifier le truc qui est séparé de tout. Alors, on va essayer de comprendre ça ce matin, parce que vous avez votre Héraclite, Heinz Wissmann, chacun de mes invités sans doute cette semaine. Le vôtre, on peut le découvrir en lisant le livre que vous avez coécrit avec Jean Bollack, qui s'appelle Héraclite ou la séparation. C'est donc la thèse que vous défendez, le langage tel qu'exposé par Héraclite est le lieu d'une séparation entre nous et le monde. C'est aux éditions de Minuit. Pour bien ressaisir la spécificité de cette lecture, est-ce que vous pouvez nous retracer rapidement les grandes traditions interprétatives d'Héraclite, parce que c'est ce qu'on disait hier et avant-hier. Finalement, d'Héraclite, on ne sait pas grand-chose. Les fragments sont difficiles d'accès. Donc, on dépend de ce que ces lecteurs contemporains et ensuite dans la postérité ont bien voulu en dire. Alors, quelles sont ces traditions et comment vous vous distinguez de ces traditions, Heinz Wissmann? Enfin, les citations qui nous sont parvenues sont évidemment, dès le départ, accompagnées d'une interprétation qui est motivée par quelque chose qui est irrépressible, c'est qu'on s'intéresse à ce que parler veut dire. Il y a une sorte de désir d'aller vers le dit, puisqu'on veut le fixer. Et donc, dans ces tentatives, si on laisse de côté les gens qui, par le dépit de ne rien comprendre à la prose de ce philosophe, ont décrété qu'il était caractériel, grincheux, méprisant, voire misanthrope, et donc exprès obscur, fignolant des espèces de paradoxes destinés essentiellement à en imposer à un public médusé. Mm-hmm. Cette interprétation, on peut la laisser de côté. On la trouve dans toute la tradition. C'est la plus courante. C'est-à-dire qu'Héraclite était un misanthrope, bourru, qui n'aimait pas les hommes. C'est totalement. Il n'aimait peut-être pas les hommes dans la mesure où il les trouvait idiots. Oui. Mais il ne proposait pas une prose inintelligible pour les rabaisser ou pour les mépriser. C'est pas là l'explication. Donc il y a deux grandes traditions vraiment fortes qui s'appuient sur chacune. Sur l'association entre le logos et une métaphore prégnante dans les fragments d'Héraclite. La première tradition associe le fleuve au logos. Et dans ce cas, le logos dirait l'impermanence des choses. C'est donc le logos, vous le traduisez comment? La raison, le langage? Non, mais on n'en est pas là. Pour comprendre ce que vous dites. Dans le logos, c'est-à-dire le discours, disons d'abord provisoirement le discours, ou toute parole, enfin, peu importe. Eh bien, pour la première tradition interprétative, c'est le fleuve qui fournit la clé, parce que le logos dit simplement le changement perpétuel, ce qu'exprime la formule « tout s'écoule », pantarei, qui n'est pas d'Héraclite, mais qui est le condensé de cette interprétation. Il faut vraiment s'être rendu compte qu'on prête à Héraclite donc une thèse, qui est la thèse de l'impermanence des choses. Et c'est cette thèse qui a permis aux héraclitéens, que sont les sophistes, de s'emparer de la pensée d'Héraclite, du truc, le sophon. Il s'appelle sophiste à cause du sophon d'Héraclite. C'est pas Sophia la sagesse. Mais c'est le même mot. Mais au départ, ton sophon, c'est l'art que déploie l'artisan, son tour de main, son petit truc, ce qui fait. Alors un sophiste, c'est quelqu'un qui possède la technique d'utiliser le langage pour créer des stabilités provisoires, qu'on appelle le sens commun ou l'opinion. Et donc, quand on lit les sophistes, on s'aperçoit qu'ils s'emparent de la thèse d'Héraclite interprétée par la métaphore du fleuve, pour dire notre rôle, c'est de lutter en permanence contre cette impermanence. Donc Héraclite ne dit pas dans ses fragments que les choses sont impermanentes. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'est pas quelque chose qu'on trouve. Ça n'a pas du tout ce sens, parce que, enfin, je peux le dire en passant, un fleuve, c'est pas seulement l'eau qui s'écoule. Un fleuve, c'est la pression des rives qui sont absolument permanentes dans leur opposition. Et si les rives s'écartent, l'eau ne s'écoule plus, finit par stagner. Donc, dans la métaphore du fleuve, et là on s'écarte déjà de la tradition dont je parle. Non, mais on va y revenir. Dans la métaphore du fleuve, il y a les deux. Il y a le logos qui veut dire rapport. Le mot logos signifie au départ un rapport qu'on peut établir entre un sujet et un prédicat, entre une cause et un effet. Analogie montre bien que logos a quelque chose à voir avec le rapport. Et donc, dans le cas du fleuve, c'est le rapport entre les rives qui est stable, mais qui fait que si je suis sur une rive, je ne suis pas sur l'autre. La séparation est absolument inévitable. Or, c'est la pression de cette séparation qui fait que l'eau s'écoule. Si les rives s'écartent, l'eau ne s'écoule plus. Donc l'image du fleuve utilisée par les sophistes est réductrice par rapport à ce que Héraclite veut réellement dire. Mais ça, on y arrivera. La chose que je trouve passionnante, c'est que les sophistes ont une justification de leur pratique sociale, parce qu'elle est politique, essentiellement. C'est stabiliser les communautés humaines qui sont exposées à l'impermanence des choses. Et donc, eux, par le discours, c'est ce que dit Gorgias, de ce que dit Protagoras, fournissent de la stabilité provisoire, qui peut devenir manipulation. Et donc, dans le jeu politique, il y a certains rhéteurs, Périclès en était un, qui savent s'emparer de cet art de stabiliser les choses aux yeux de la foule. Par ses discours que Thucydide rapporte, il a créé Athènes. Il y avait de quoi, mais il fallait encore le discours pour que les Athéniens s'identifient avec leur ville. Et bien, c'est ça que font les sophistes, ça c'est une grande tradition. Et Platon, on ne peut rien comprendre à Platon si on ne sait pas, ça a été évoqué dans la première édition. Avec Jean-François Prado lundi, oui. Que Platon était tout jeune, disciple d'un héraclitéen, Cratyle, qui professait donc, comme les sophistes, cette idée que le travail de l'homme de pensée, le praticien du discours, consiste à stabiliser les opinions. Et donc, la maturité de Platon est caractérisée par la lutte contre cette fonction de la pensée, de stabiliser dans l'opinion le flux. Parce qu'il cherche, lui, à opposer aux sophistes, qu'il combat avec une dernière énergie, un monde stable qui existerait indépendamment du discours, le monde des idées. Et c'est pour ça que le dialogue, le Cratyle, se termine par l'injonction socratique, cesse de parler, regarde. Parce que tant que je parle, je m'expose à cette dissociation entre le dit et le dire, et le remède que dans la première tradition on a trouvé, est le remède sophistique de stabiliser les choses en créant un accord d'opinion qui n'est fondé sur rien d'autre que sur la fonction du discours qui entretient une illusion, que Gorgias décrit magnifiquement dans l'éloge d'Hélène. Il dit on peut faire admettre tout et son contraire, pourvu que le discours soit bien fait. Pourtant, Platon ne renonce pas au langage. D'ailleurs, ce sont des dialogues platoniciens que nous avons. Il s'expose, il faut savoir que l'enseignement de Platon est perdu. C'est-à-dire l'enseignement dans l'académie ésotérique, qui portait, comme la tradition nous l'a appris, sur l'un. Mais sur l'un comme immobilité, comme quelque chose qui ne s'altère pas. Et les dialogues expose le cheminement qui conduit la pensée au postulat de l'idée immobile, l'idée du bien, en affrontant les séductions du langage. Et donc tous les dialogues platoniciens sont des tentatives de désamorcer l'égarement que le langage introduit dans notre rapport au réel. C'est comme ça qu'il faut les lire. Le seul à avoir saisi ça avec une précision extraordinaire, c'est le premier traducteur allemand, le grand fondateur de l'herméneutique moderne, Schleiermacher, qui a traduit tous les dialogues et qui a écrit une introduction que personne ne lit plus, où il dit mais c'est une propédeutique, les dialogues, pour que le public s'aperçoive que les mots nous égarent parce qu'on leur attribue un sens qui est très souvent contredit par ce que le mot dit par ailleurs. Et donc, du coup, Platon s'expose dans les dialogues, en parallèle à son enseignement, à cette impermanence que postule la thèse héraclitéenne. Oui, c'est ça, en voulant contredire Héraclite, finalement, il lui est fidèle, puisqu'il s'apprête à renoncer au langage. Oui, c'est exactement, ça. Comme ça on peut comprendre Platon. Et voilà, maintenant la deuxième tradition. Oui, donc d'un côté les sophistes et Platon qui s'oppose aux sophistes, mais qui se faisant est héraclitéen peut-être malgré lui. L'autre... Il est héraclitéen pour s'en distancier. C'est ça. Mais il a besoin de cet opposant pour que sa démarche devienne intelligible. C'est ça. Voilà. Et donc, pourquoi les dialogues de Platon, j'ajoute encore une phrase, pourquoi les dialogues de Platon portent très souvent des noms d'interlocuteurs de Socrate, mais avec des sous-titres? Parce que chaque dialogue traite d'un concept. Ça peut être l'amitié, ça peut être la prudence. Et Socrate, il accueille toujours les jeunes nobles qui sortent du gymnase, encore chauds par l'exercice, etc. Et il leur pose la question, mais comment tu définirais la prudence? Et l'imprudent qui répond va fournir à Socrate la possibilité d'un élan héraclitéen ironique. Parce que si l'interlocuteur dit « Oui, pour moi, mes parents m'ont toujours dit qu'être prudent, c'est de marcher lentement, d'avoir une allure comme ça, pas pressée. » Et Socrate lui dit « Mais alors, si un de tes meilleurs amis se fait agresser au bout de la rue, est-ce que ce serait pas prudent d'accélérer les pas ?» Et comme ça, il désamorce peu à peu, grâce aux multiples significations que peut revêtir un concept, cette espèce de héraclitisme, parce qu'il veut amener ses interlocuteurs à la nécessité d'admettre que derrière ce voile du langage héraclitéen se cache une réalité immuable. Mais maintenant, vite, la deuxième tradition. Oui, allez-y. La deuxième tradition qui est donc associée aux stoïciens en général, utilise comme métaphore non pas le fleuve, mais le feu. Et dans la reconstruction stoïcienne de la physique ancienne, il n'y a pas de différence entre le feu d'Héraclite, l'air d'Anaximène et l'eau de Thalès. C'est-à-dire, c'est un élément originaire qui, en s'aliénant dans le monde, en devenant autre chose que lui-même, c'est-à-dire air ou eau ou terre, eh bien, éprouve le besoin de revenir à lui-même, et donc il y a un cycle cosmique d'aliénation du feu et du recouvrement de son identité. Ça, c'est l'ekpyrose, c'est ce retour du feu à lui-même. Alors, la particularité du feu, interdit de l'associer dans le cycle cosmique à l'eau et à l'air. Pourquoi ? Parce que le feu n'existe que grâce au combustible dont il se sépare. Si jamais le feu est uniquement auprès de lui-même, il s'éteint. Donc c'est un élément de la séparation, le feu. C'est un élément de la séparation. Alors pour voir ce point précisément, je vous propose qu'on écoute un texte de Diogène Laërce qui s'inscrit dans cette deuxième tradition, si je vous suis bien, qui propose un contresens donc autour de cette question du feu. Voici le texte. Monsieur le Président en ligne. Monsieur le Président, il faut éteindre l'incendie avant qu'il ne devienne un feu de forêt. C'est d'Héraclite, Alexandre. Je me suis laissé dire que vous étiez un spécialiste. Oui, en effet, ça me détend. Entre deux chasses à l'ours. Voici quelles sont les doctrines particulières d'Héraclite. Le feu est l'élément. Et toutes choses sont échanges de feu, venant à l'être par raréfaction et condensation. Mais il n'expose rien clairement. Toutes choses viennent à l'être selon l'opposition et l'univers entier s'écoule à la façon d'un fleuve. Le tout est limité et constitue un monde unique. Il naît du feu et il s'embrase à nouveau selon certaines périodes, alternativement pendant la totalité du temps. Et cela se produit selon le destin. Celui des opposés qui conduit à la venue à l'être est appelé guerre et discorde. Et celui qui conduit à l'embrasement est appelé accord et paix. Le changement est appelé la route qui monte et qui descend, et le monde est en devenir selon elle. En effet, en se condensant, le feu s'humidifie complètement, et ainsi constitué, il devient de l'eau. Quant à l'eau, en se congelant, elle se tourne en terre, et c'est là la route qui descend. En sens inverse, la terre se liquéfie et donne ainsi naissance à l'eau, d'où provient tout le reste, puisqu'il réduit presque toute chose à l'exhalaison qui s'élève de la mer. Et c'est là la route qui monte. Des exhalaisons s'élèvent de la terre comme de la mer. Les unes sont brillantes et pures, les autres ténébreuses. Le feu s'accroît de celles qui sont brillantes, l'humide des autres. France Culture. Les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Et nous parlons des fragments d'Héraclite cette semaine avec ce matin le philologue et philosophe Heinz Wissmann qui nous propose sa lecture d'Héraclite. Donc vous venez bien de distinguer les deux grandes traditions interprétatives d'Héraclite. D'un côté, les sophistes qui accordent de l'importance à l'image du fleuve, les sophistes contredits par Platon, qui lui-même donc voulait contredire Héraclite. De l'autre, la tradition stoïcienne, avec ce texte de Diogène Laërce, on en avait déjà entendu des extraits lundi dernier, puisqu'il a l'avantage de présenter ce personnage qu'est Héraclite. Et donc ce que vous dites à Heinz Wissmann, c'est qu'au fond, la vision qu'en propose Diogène Laërce est sinon incomplète, du moins erronée, et que l'exemple du feu en est la meilleure preuve. C'est une interprétation biaisée par une précompréhension qui est stoïcienne, qui consiste à supposer que le modèle initial de la cosmologie est nécessairement aussi le modèle auquel adhère Héraclite. Mm-hmm. C'est un élément primordial, pur, identique à lui-même, appelé arché, commencement. Et cet élément va ensuite se diversifier, donc s'aliéner, se perdre dans l'altérité, pour se ressaisir à la fin d'un cycle. C'est cette image que les stoïciens défendent, quelle que soit leur orientation particulière. Mmh. Et la difficulté qui saute aux yeux, c'est que le feu, justement, ne fonctionne pas comme l'eau et l'air qui, à la fin du cycle, peut retrouver son identité pure. Or, le feu, lorsqu'on le sépare du combustible, quand on le ramène à lui-même, s'éteint. Pour que le feu flambe, et maintenant je donne un exemple magnifique emprunté à la tradition stoïcienne, cité par Hippolyte, l'évêque de Rome, ça c'est 4e siècle, je crois, de notre ère, évidemment. Ce sont deux mots, faim et satiété. Mm-hmm. Dans la perspective stoïcienne, le feu, lorsqu'il est aliéné dans le monde, souffre, il a faim. Et quand il revient à lui-même, il est rassasié. Alors les deux mots, kres, mosune, pour faim, et koros, pour satiété, J'ai pour tous ceux qui savent le grec, ça saute aux yeux. Le mot pour satiété est un mot négatif. Ça veut dire être plein jusqu'à au dégoût. Et dans les fragments d'Héraclite, on trouve le verbe kekorentai qui est appliqué à la foule qui gît, repue, comme du bétail. Alors que les meilleurs flambent en choisissant l'un. C'est-à-dire ils sortent de cette communauté qui gît comme du bétail, kekorentai, là le mot koros se trouve à l'intérieur. Et donc il faut inverser l'interprétation stoïcienne de laquelle s'inspire Hippolyte, et dire que le feu n'est réellement vivant que quand il a faim, puisqu'il dévore le comestible, et il s'éteint quand il est en réplétion, pourrait-on dire, quand il est tellement plein qu'il a le dégoût qui fait qu'il ne veut plus rien manger. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer le feu comme étant le principe premier du cosmos, mais au contraire comme étant le lieu de la tension originelle, au fond, qui est à l'origine du cosmos. Le feu est, dans la mesure, et ça c'est vraiment une nouvelle étape qu'il faut franchir. Dans le fragment 1, Héraclite dit de quoi il parle, de quoi son logos parle. Il dit, je parle des dits et des faits. Alors, fait au sens de ce qu'on accomplit. Epea kai erga est une formule homérique qui désigne donc ce que les hommes disent et ce que les hommes font. Donc, Héraclite ne parle absolument pas de la cosmologie en cosmologue. Il parle de la manière dont les autres disent le cosmos. Tous les fragments... Ça, c'est très différent. Mais c'est totalement différent. Ouais. Et chaque fragment, si on avait le temps, on pourrait regarder dans le détail. Chaque fragment met en scène la contradiction qui se niche dans le discours spéculatif de la cosmologie. Donc Héraclite ne parle pas du cosmos, mais du discours, tout le temps. Du discours sur le cosmos, parce que tout ce qui l'intéresse, c'est la manière de dire. Et donc, dans le fragment 1, qui est en fait l'exorde de son œuvre, il dit, les gens n'entendent pas ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Pourquoi ils disent ce qu'ils font? Parce qu'ils s'intéressent au rituel et à la charge symbolique d'un rituel. On a un fragment, par exemple, qui dit « ceux qui se purifient par le sang », un rituel pour se purifier d'un meurtre, par exemple, eh bien, ressemble à des gens qui entrent dans la boue et se lavent avec la boue. Parce qu'il attire l'attention que l'acte symbolique néglige, que le sang qui sert à purifier le sang du meurtrier, eh bien c'est le même sang, simplement on n'y prête aucune attention parce que ce qu'on vise dans l'acte symbolique, c'est la fonction purificatrice de ce sang. Et lui attire l'attention sur une signification qui échappe à l'attention. D'où son invitation à écouter, à ne pas négliger ce que, lorsqu'on fait quelque chose, de certaine manière, on ignore parce que la charge de sens qu'on admet nous obnubile parce qu'il y a un sens contraire. Et quand il dit « ceux qui se purifient par le sang ressemblent à des gens qui descendent dans la boue et se lavent ensuite avec la boue », c'est ce type de polémique qui se trouve partout dans les fragments d'Héraclite. Et donc, dès le début, ce qu'il dit, c'est que mon discours a pour objet de séparer, dit Haireo, de séparer, selon leur nature, ce que les hommes disent et ce que les hommes font. Voilà le sujet. Et c'est le lieu du tragique. On disait hier avec Philippe Choulet que pour Nietzsche, Héraclite n'était pas assez tragique, justement parce qu'il restait, il gardait une forme d'harmonie dans le cosmos. Donc vous dites, nous, au fond, ce tragique-là, il est présent chez Héraclite. Ce que Héraclite appelle l'harmonie invisible, qu'il oppose à l'harmonie visible, c'est quoi? L'harmonie visible, c'est par exemple le lien qui, à la surface du globe, peut s'établir entre des rives de la mer, entre des endroits qu'on peut relier entre eux par des voyages, par un bateau, par exemple. Ça, c'est l'harmonie visible et une harmonie de surface. Or, l'harmonie invisible est beaucoup plus forte. Et c'est quoi l'harmonie invisible? C'est la profondeur insondable dont il dit que c'est la profondeur de l'âme. L'âme a un logos si profond qu'on ne pourra jamais le mesurer. Et ça, c'est l'écart maximum que dit le logos, parce que le logos est rapport. Il dit un rapport entre ceci et son contraire. D'où le chemin vers le haut, qui est en même temps chemin vers le bas, parce que dès que je monte, je trace le chemin possible vers le bas. Comme la flamme. Comme la flamme, exactement. Et donc, ce qui est si intéressant, c'est que cette harmonie, il ne faut pas du tout l'interpréter comme étant harmonieuse. Qu'est-ce que veut dire harmonie en grec? Ça vient d'un radical, je m'excuse pour ça, un radical indo-européen qu'on a dans art, dans article, dans articulation, c'est art. Et art veut dire agencement. Donc l'harmonie, la première harmonie, c'est le truc, le tour de main du charpentier qui sait agencer du bois. Notamment quand il réunit des planches pour rendre étanches les coques d'un bateau. C'est ça l'harmonie. Ensuite, on peut faire de l'harmonie avec des sons, avec la musique et tout ce qu'on veut, mais c'est toujours le même geste, en agence. Et donc, il existe un agencement en surface qui donne l'illusion que tout est stabilisé. Alors que la vérité de l'harmonie affanesse, invisible, est qu'en profondeur, il y a un rapport qui ne se laisse pas mesurer, qui est tellement profond, et c'est la foudre qui s'abat sur le navire, qui prend le gouvernail, dit Héraclite. Est-ce que c'est le chaos pour autant? Non, c'est pas le chaos, c'est chaque fois, comme les rives du fleuve, une opposition. C'est voilà, c'est l'opposition qui est première. Ce qu'il y a de ultime dans la pensée d'Héraclite, c'est le logos en tant que rapport d'opposition inépuisable d'une certaine manière, parce que dès qu'on crée un rapport stabilisé, eh bien la contradiction va nous conduire hors de ce rapport, puisqu'il y a toujours un ailleurs, un au-delà, un plus haut, un plus bas. Simplement, le principe de cette... C'est comme une accolade qui tient le réel, mais pas à la manière de la réunion du réel dans l'un des stoïciens, dans l'un de Thalès. Non, cette accolade tient le réel dans sa séparation. Et c'est là, je trouve, qu'il y a une puissance, pour nous les modernes, de la pensée d'Héraclite, qui m'a, dès le départ, mais absolument fasciné. Et une fois que j'avais compris, avec Bolla, qui était un grand helléniste et qui savait triturer les textes, parce que, voilà, Aristote dit dans la rhétorique que Héraclite est difficile à ponctuer. Dia styxai. Le styx, c'est un point dont se servent les grammairiens d'Alexandrie pour éditer les textes d'Homère et des tragiques. Parce qu'on ne peut pas lire les textes si on ne sépare pas les membres du texte, les mots qui se rapportent les uns aux autres. Et Aristote cite la première phrase du premier fragment d'Héraclite pour illustrer cela. Il dit, Héraclite, c'est très difficile à ponctuer parce que selon qu'on met le pont un point là ou là, le sens change. Et effectivement, le premier fragment d'Héraclite commence par... Alors, il y a trois traductions possibles selon qu'on met le point. Alors, oui. La traduction courante, c'est « de ce discours qui est toujours »,« de ce discours, point, qui est toujours, point, les hommes n'ont aucune intelligence ». Deuxième traduction, de ce discours qui est, qui est l'ontologie, la raison universelle, les hommes restent à tout jamais, le toujours, et maintenant rapportés à la suite, séparés par l'inintelligence. Et troisième traduction possible, du logos qui est celui-ci, c'est-à-dire celui que je profère. Eh bien, ce logos-là, les gens ne l'entendent jamais. Non, mais alors, comment trancher? Comment savoir qui a raison? S'il y a trois possibilités de ponctuation qui induisent trois sens différents de ce même fragment. Et c'est la suite. C'est le travail de l'interprète, c'est de contextualiser les hypothèses de compréhension d'une phrase. Or, la phrase suivante explique tout de suite par un paradoxe de quoi il s'agit. Parce que Héraclite dit, alors, les gens se sont cassés la tête pour savoir ce que ça signifie. Il disait que les êtres humains resteront incapables de mettre ensemble à xunetoi, c'est-à-dire de comprendre. D'ailleurs, le mot comprendre est très proche, métaphoriquement, du mot grec. Eh bien, ils restent incapables de mettre ensemble ce qui est ainsi séparé par le logos. hein, ce que l'écoute que nous pratiquons nous fait perdre, eh bien, et ceci, avant d'avoir entendu ce discours, et après l'avoir entendu une première fois. Pourquoi une première fois ? Parce qu'il y a une seconde écoute qui se détache de ce que le discours semble dire ou veut dire pour prêter l'oreille à ce qu'il dit en même temps sans qu'il le dise explicitement. Alors, comment prêter l'oreille à ce qui est dit sans que ce soit dit explicitement ? Voici un exemple. Je te demande juste pourquoi tu ne veux pas parler à ta femme. Mais tu ne comprends rien, c'est pas juste que je veux pas parler à Ariane, c'est Charlotte. Qui est Ariane ? C'est une de mes patientes, elle est chirurgienne. Transfert amoureux. C'est elle que tu as mentionnée en passant au début de notre entretien. Et ? Cher Philippe, tu n'es pas n'importe qui. Tu es redoutablement intelligent et redoutablement affûté. Et comme tous les psys, tu te sers de tes connaissances pour échapper à la vérité. Donc chez toi, il y a ce que tu es venu dire. Ce que tu es venu ne pas dire, et puis ce que tu es venu ne surtout pas dire. Eh oui, c'est la série En Thérapie, hein, diffusée sur, c'est formidable. Sur Arte, qui vient nous aider à essayer de comprendre ce que vous dites d'Héraclite Heinz Wissmann. Est-ce que c'est ça le propos ? C'est d'essayer d'entendre ce qui n'est pas dit, mais qui est quand même dit par le fait de ne pas être dit. Absolument. D'où le fragment d'Héraclite que bon, je cite toujours, parce que ça c'est vraiment une règle de vie. L'inattendu. Si tu ne l'attends pas, tu ne le rencontreras pas. Et donc, quelle est la disposition de l'écoute qui s'écarte du sens obvi ? C'est une sorte de disposition qui consiste à s'attendre à une chose inattendue. Alors, la chose inattendue, c'est ce qu'on n'entend pas quand on suit simplement l'intention du locuteur. Ce n'est pas de le lapsus, donc ? Non. C'est pas le lapsus peut être une modalité, évidemment, de mise en évidence de cette chose séparée, cette chose irrécupérable par le discours conscient. Mais il est absolument clair que ce qui, à l'arrière-plan de la pensée d'Héraclite, doit être dégagé, c'est une attention d'un type tout à fait particulier qui se porte sur ce que, lorsque la parole ou l'acte rituel, par exemple, prétend signifier, est contredit par le mot ou la phrase qu'il évoque. Mmh. Et l'écoute analytique est exactement cette écoute-là. C'est évident. Donc Héraclite serait une sorte de précurseur de l'écoute analytique ? Oui. Or, cette écoute analytique chez Héraclite est évidemment utilisée non pas pour le divan et pour délivrer les gens de leur pathologie psychique, non. C'est utilisé pour délivrer les hommes de leur pathologie spéculative. C'est-à-dire ? Les hommes s'imaginent que par la spéculation, on peut arriver à la désignation ultime, non contradictoire, du réel. Oui. Héraclite dit, peine perdue parce que le langage ne le permet pas. On ne nommera jamais vraiment le réel, c'est non, ça ? Non, on ne pourra jamais y parvenir parce que le langage dit toujours le contraire de ce qu'il dit. Et donc, dans l'écoute analytique, il y a justement cet effort pour entendre ce que le mot qui, pour l'analysant, dit telle chose, dit par ailleurs, à son insu. Et c'est absolument ça. On pourrait passer en revue, mais dans les fragments d'Héraclite qui, tantôt, c'est pour ça qu'il est si dur avec les prédécesseurs. Il dit, ben, ils ont compris rien à rien. Hésiote, il fallait même Homère, qui est donc la culture grecque la plus normale. Eh ben, il dit qu'il faudrait les chasser, il faudrait les battre. Enfin, il leur promet le pire des châtiments parce qu'ils entretiennent cette espèce d'illusion qu'on puisse parvenir à dire la chose en soi. Mais alors, pour bien comprendre ça, est-ce que, puisqu'on a commencé l'émission avec la voix de Clément Rosset qui disait la tragédie qui consistait à ne pas pouvoir nommer le goût du camembert, est-ce qu'on peut dire que chez Héraclite, la tragédie inhérente au langage, qui en fait le lieu d'une séparation, revient aussi au fait que ce que nous cherchons à nommer est toujours singulier, est toujours unique, et Alors que le langage, lui, est générique, et donc le langage n'est pas apte à saisir la singularité du réel. Est-ce qu'Héraclite le dirait comme ça ? Il le dirait un peu différemment, mais il dirait cela. Il dirait que dès qu'on parle, on met en scène cette séparation entre ce qu'on vise comme chose dite et l'effectuation du dire. Cette séparation nous sert d'indicateur quand on réfléchit à la pertinence de ce qu'on a dit. Et on découvre chaque fois que ce qu'on a dit n'épuise pas le sens de ce qui est désigné. C'est ça la séparation. C'est pas parce que, uniquement parce que ce qu'on désigne échappe par sa singularité à toute désignation. C'est aussi parce que l'outil de désignation échappe à lui-même, d'une certaine manière, puisque le langage n'est pas capable, on dirait aujourd'hui, de s'abîmer dans le signifié. Oui, alors mais ça c'est du point de vue langagier, mais du point de vue, disons, ontologique, le fameux principe 1 dont on parle en fait chez Héraclite, le 1, l'unicité, c'est la singularité. C'est la singularité, voilà. Mais c'est la singularité de celui qui pratique l'écoute héraclitéenne. C'est pas la singularité d'une chose. Pour vous, c'est indissociable du langage, oui, c'est ça. Non, c'est pas du côté de l'ontologie. Héraclite ne fait pas du tout d'ontologie, voilà. Il fait la logologie. Moi, j'avais inventé ce mot, que Barbara Cassin a ensuite repris dans ses œuvres, la logologie, l'a écrit sur les sophistes, etc. C'est inspiré d'un travail qu'on avait fait sur Gorgias, le premier sophiste, puisqu'elle a fait sa thèse sur le traité du non-être de Gorgias, qui s'inscrit en faux contre l'illusion parménidéenne de pouvoir nommer l'être. On est au cœur, c'est un héraclitéen, Gorgias. Le sophiste se revendique maître du truc. Et j'adore cette traduction qui est un peu cavalière, mais elle suggère ce que les gens devaient entendre quand ils désespéraient d'y voir de la sagesse. Oui, mais alors justement, si on prend ce constat-là au sérieux, c'est aussi une question que je vous posais dès le départ. Pourquoi continuer à parler si de toute façon nous sommes séparés du réel? Si de toute façon la texture, la nature, l'existence même du réel nous est inaccessible et donc secondaire, pourquoi même parler ? Mais il y a une réalité qui n'est pas la réalité repos, qui serait l'identité de l'en-soi que l'ontologie cherche à capter par les moyens du langage. Non, il y a une attention tout particulière qui porte sur l'inattendu qui advient, et cette attention est nourrie par la conscience que le langage est toujours en train de se contredire, il est toujours en train de mettre en scène une opposition. Et dans la mesure où on est attentif à cette opposition, on est plus dans le réel que lorsqu'on est du côté de l'assignation univoque du réel. C'est l'analyse qui nous apprend ça aussi. C'est qu'il n'y a pas de réalité plus grande que cette réalité de l'inconscient qui nous fuit. C'est là qu'on touche la réalité. Et donc, je trouve Héraclite, de ce fait, est philosophiquement plus intéressant que ceux qui font l'ontologie de l'identique. Oui, mais originaire. Vous faites une ontologie du langage, Hans Wiesmann, en fait. Vous déplacez le lieu de l'ontologie. Si on veut appeler ça ontologie, mais « on » désigne justement, contre Héraclite, le sujet du verbe « être ». Et la thèse de Parménide qui commence par qu'est-ce que je veux dire quand je dis et ? Alors, il y a deux... E-T ou E-S-T ? E-S-T. Esti. Ça commence sans sujet. Le début de Parménide, c'est parce que Parménide veut maintenant désamorcer la contestation de l'ontologie par Héraclite. Et donc il dit, je vais faire comme lui, je vais commencer par un mot et je vais faire le tour de ce mot pour savoir s'il se contredit. Et il se dit, il y a un seul sujet possible qui, dans le cas de l'affirmation « et », ne peut pas être contredit. C'est le participe du verbe « être », qui est naturellement, c'est un tour héraclitéen contre Héraclite. Si on se demande ce qui est, et bien ce qui est incontestablement, c'est le participe du verbe « être ». Du coup, il a le « on » de l'ontologie, et en réfléchissant sur ce « on », eh bien, il développe une représentation de ce sujet du verbe « être » et on est en plein dans les grands systèmes philosophiques. Oui. Parce que c'est comme l'absolu chez Hegel. Et là, Héraclite et ceux qui le suivent, d'abord les sophistes, mais les sophistes, ça reste encore faible parce qu'ils pensent que le discours, le truc dont parle Héraclite, ça peut s'arranger si on fait une politique du langage, si on crée de l'opinion, ce que les Américains en sciences politiques appellent « opinion making ». J'invite ceux qui s'intéressent à ça de regarder un peu les programmes de sciences politiques enseignés aux États-Unis. Opinion making, c'est l'art de séparer les adhésions au sens des uns et des autres pour créer des camps dans lesquels se cristallise quelque chose qu'on peut appeler un sens commun à plusieurs. Et ça devient des partis politiques. Et à partir de là, on peut faire de la politique. Parce que la démocratie, comme atomisation radicale des points de vue, genre gilet jaune, ne permet pas de faire la politique. La politique, c'est l'art de produire des oppositions. Et donc, c'est étonnant, parce que c'est vraiment les sophistes qui sont habiles pour dire telle opinion vaut mieux que telle autre, etc. Et puis ils agrègent les gens autour. C'est ce qu'on appelle la démagogie aujourd'hui. Ça devient la manipulation, la démagogie. Mais c'est enseigné. Et c'est enseigné comme étant indispensable pour que la démocratie puisse fonctionner. Comme ça l'était à l'époque des sophistes. Exactement. C'est ce que je veux dire. Donc, Héraclite nous fournit une clé de notre rapport au réel qui n'est pas ontologique au sens traditionnel de l'identification de la réalité ultime identique à elle-même. Non, il attire notre attention sur un processus qui n'est pas tout fout le camp. C'est pas le fleuve. C'est le fleuve plus les rives. Ouais. Nous sommes pris dans une tension dont nous devons admettre qu'elle est insondable, mais c'est dans l'attention que nous prêtons à cette tension, qui est celle du langage même, qui dit et ne dit pas ce qu'elle dit. Il y a un fragment extraordinaire qui dit « Tosophone, qu'est-ce que c'est ?» Ben, c'est le nom de Zeus qui veut être dit et pas dit. Alors les gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est comme philosophie, le nom de Zeus ?» Voilà, c'est le génitif « Zenos ». Zeus, « Zenos », c'est le génitif. Et « Zen », ça veut dire « vivre ». Alors, Zeus, le dieu suprême, bah, il veut bien être appelé vie, mais il veut aussi être appelé mort. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le lire. Si bien qu'on peut se demander s'il faut le lire en philosophe ou bien en poète. Héraclite, c'est vrai qu'il est peut-être par là même plus que philosophe parce qu'il est en même temps poète. Le langage d'Héraclite n'est pas un langage technique au sens des philosophes à la manière qu'ancienne ou hegélienne, c'est un langage qui comprend encore beaucoup de métaphores, hein, qui est à bien des égards à mi-chemin entre le langage commun et le langage constitué de termes proprement philosophiques, exclusivement philosophiques. Donc, il y a une charge poétique. Or, le langage poétique est plus substantiel, est le plus substantiel de tous les langages, parce que le nombre des significations qui sont enveloppées dans la phrase poétique n'est pas fini, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment énumérable. Parmi les spécialistes d'Héraclite, on trouve notamment le philosophe Marcel Conche que vous venez d'entendre. C'était une archive du 22 octobre 1986 sur France Culture. Heinz Wiesmann, êtes-vous d'accord pour dire que le Héraclite est peut-être philosophe, mais il serait avant tout poète, puisque c'est la poésie qui permettrait le mieux de cerner le type de sens que veut saisir Héraclite. Ben, ça dépend maintenant de ce qu'on entend par philosophie et ce qu'on entend par poésie. Si on entend par philosophie uniquement le souci de parvenir à l'assignation identitaire, pourrait-on dire, de ce qui est. Dans ce cas, en effet, la poésie a une supériorité dans la mesure où elle peut faire apparaître des nuances qui ne se laissent pas se rapporter à une espèce de socle commun. Et donc il y a une richesse poétique, une exubérance poétique, alors on peut être très sensible à ça. Mais ce n'est pas du tout le cas d'Héraclite. C'est une certaine conception réductrice de la philosophie aussi. Bien sûr. Mais Héraclite est d'une sécheresse. Quand on lit ses fragments, c'est tout sauf poétique. C'est sec. Et c'est constituée d'analyses extraordinairement précises de ce qui se passe quand je parle de quelque chose. C'est ça qui l'intéresse. Et donc, du coup, je dirais que c'est un philosophe qui, comme Kant, barre l'en-soi. Pour moi, Héraclite, le philosophe, alors il sursauterait si je le lui disais, mais le philosophe qui incarne le mieux l'aspect philosophique de l'héritage d'Héraclite, c'est Kant. Parce qu'il dit dans l'analytique, il faut renoncer au nom orgueilleux d'une ontologie et s'intéresser donc à nos facultés. Et c'est exactement ce qu'Héraclite dit, il faut renoncer à cette prétention spéculative de parvenir de manière univoque à la désignation de ce qui est réel. Donc ça, Kant appelle l'en-soi. Oui, l'en-soi. Et ça échoue toujours, parce que le langage dont on se sert pour le désigner, eh bien, a ce versant qui est simplement perceptible si on pratique l'écoute double. Mais alors, est-ce à dire, et ce sera le dernier point, Hans Wittmann, oui, que nous sommes condamnés au malentendu, finalement, à ces contraires... Au contraire, c'est une invitation à mieux écouter avec une attention, mais dédoublée, si j'ose dire. Dédoublée, parce qu'il faut écouter ce que le type veut dire, et en même temps, il faut entendre ce qu'il dit en réalité, et qui, très souvent, lui échappe. C'est pour ça que l'analyse psychologique... Oui, la radio aussi, ça fonctionne bien. La radio, le souci... Enfin, ça, on pourrait faire toute une émission sur la séduction de la radio. Moi, là-dessus, j'ai des choses avec des exemples extraordinaires. Ce que la télévision tue. Parce que dans la télévision, il y a la présence à soi qui est mise en scène. Tandis que à la radio, il y a une absence qui accompagne la présence qui est suggérée par la voix. La radio est un média héraclitéen ? Oui. Si on sait, même des gens très humblement qui se laissent bercer par les voix de la radio, eh bien, sont dans un syndrome héraclitéen parce que quelque chose leur arrive qu'ils ne peuvent pas du tout assigner comme étant une pensée déterminée, un sujet, etc. Non, c'est une ouverture sur l'inattendu. Et c'est peut-être le mot de la fin de dire que nous devons pratiquer l'écoute héraclitéenne, qui est donc caractérisée par le fait qu'on attend quelque chose qui est inattendu. Et c'est un paradoxe insondable d'attendre l'inattendu. Et c'est toute vie. C'est la meilleure nouvelle du jour, en tout cas, Hans Wittmann. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'Héraclite ce matin. On mettra en ligne votre bibliographie, notamment Pensée entre les langues aux éditions Albin Michel, puisque la radio et ce média héraclitéen, on va se quitter avec un malentendu chanté. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, l'émission continue hors micro, mais il faut écouter la question du jour d'Aurélien Bélanger. La question philo du jour, c'est maintenant. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour, cher Aurélien. Bonjour, Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce que la postmodernité ? Eh bien, question difficile, mais je crois me souvenir de la première fois que je l'ai rencontré. J'étais libraire dans un Virgin Megastore à Rosny-sous-Bois, c'était il y a presque 20 ans, un autre monde, et mon collègue David m'avait donné son service de presse du prochain Dantec, qui s'appelait Villa Vortex. Dantec, que je n'avais pas encore lu, était alors, avec Houellebecq, que j'avais déjà lu, le plus grand écrivain français. Ce qui voulait surtout dire alors, les seuls à ne pas nous faire honte de n'être pas américains, à parvenir à nous faire croire que la littérature française était encore une grande, une très grande littérature, de celle qui, pour paraphraser une phrase décisive de Benjamin à propos de la littérature allemande, ne pouvait se prétendre innocente, tout en étant nos seules conditions d'accès à l'innocence. Et la suite a prouvé que ni Houellebecq ni Dantec n'étaient tout à fait innocents, mais ça ne nous dit pas ce qui fait de Villa Vortex ma première grande expérience post-moderne. On ne vous entend pas très bien Aurélien, mais j'espère qu'on vous entendra suffisamment pour que vous puissiez déjà commencer en nous racontant l'intrigue. C'est assez bien tenté, mais si je vous raconte l'intrigue, ce ne serait plus un roman post-moderne. Et donc, on tiendrait là presque notre première définition du post-moderne. Donc du post-moderne en ce qu'il serait confus. Pire, en ce qu'il essaierait de ne pas l'être, car il tendrait à s'expliquer sans cesse. Le post-moderne, à peu près aussi efficace qu'une blague qu'on explique, est un type de récit qui se raconte lui-même et qui s'autogénère sans fin. De mémoire, car c'était il y a longtemps, Villa Vortex commençait comme un polar cyberpunk sur fond de désindustrialisation de la banlieue rouge. Le héros filmait, comme des œuvres d'art, la destruction d'usines électriques dans le Val-de-Marne, tout en enquêtant sur des cadavres transformés en cyborgs. C'était aussi maladroit qu'un roman de Hugo, mais comme un roman de Hugo, tout finissait par l'emporter, jusqu'à la dernière partie, celle à partir de laquelle Dantec allait commencer à perdre des lecteurs, car on n'y comprenait plus rien, mais en gagner au moins un seul, en ma personne, fasciné par cette drôle de prouesse de ces pages qui mêlaient des concepts de Deleuze à la mystique juive des Séphirotes. Cela finissait sur une route escarpée de l'île effondrée de Santorin, à la poursuite d'un chien robot qui se prenait pour Dieu ou pour David Bowie, et il y avait écrit « méta » en préfixe à peu près tous les mots. Alors pourquoi, me direz-vous, sauver ce drôle de livre que je n'ai jamais voulu relire, mais qui reste vrillé comme un vortex, justement, à ma jeunesse littéraire? Déjà, mea culpa, j'avais fini par laisser tomber Dantec à cause du caractère exagérément baroque de ses livres suivants, ceux de l'exil au Canada, de la conversion, de la geste bloyenne, des sympathies problématiques avec l'extrême droite. Le dernier Dantec que j'ai lu, c'est Métacortex, et l'idée d'un complot pédophile à la QAnon, avec la découverte sous un orphelinat d'une sorte de camp de concentration, m'avait plutôt rebuté, mea culpa, car sur un point, la vision de Dantec était juste, on vient bien de découvrir, sur fond de génocide indien, les cadavres de 215 enfants sous un pensionnat de la Colombie-Britannique. Mais cela nous éloigne de notre question, qu'est-ce que la postmodernité? Qu'est-ce qu'il y a de si singulier, de sauvable dans la fin de Villa Vortex? Eh bien, je vous pose la question, Aurélien, on vous écoute? Eh bien, écoutons plutôt l'exceptionnelle série Rick et Morty, la grande œuvre postmoderne de notre temps, qui, dans sa saison 4, après un épisode immensément mélancolique sur le film de braquage, dont la conclusion est que tout récit parfait, ce dont les films de braquage sont la métaphore, que tout récit parfait est vain, et cet épisode va emmener nos héros dans un train intra, extra et méta-diégétique dans le train du récit lui-même, tel qu'il se fait et se défait sans cesse, et comme chez Dantec, ce qui aurait pu frôler le plat récit nabokovien sur la folie des universitaires, apparaît soudain de nature à relancer, dans notre civilisation exsangue et désenchantée, les démons dévastateurs du récit. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. La prise de son aujourd'hui, c'était Jean Frédérics, à la lecture des textes Denis Podalides. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série autour des fragments d'Héraclite. Demain, nous serons en compagnie de Marc Balanfa et on suivra Héraclite sur la route de l'Inde. Car, le saviez-vous, Sri Aurobindo a consacré un ouvrage à Héraclite qui fait se rencontrer la pensée indienne et la pensée d'Héraclite. Vous verrez, cette rencontre a quelque chose d'absolument fascinant. Ce sera demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en la téléchargeant, la podcastant grâce à l'application Radio France ou sur iTunes ou sur Spotify. Toutes les plateformes vous proposent ce podcast. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de vous y retrouver. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.